L'actualité à Nancy et ailleurs. Un festival de jeux de société, les Jeux de Lambani, ce sera le week-end des 14 et 15 septembre et c'est à Écourt. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Sylvain Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la toute jeune association À un point près. C'est la première édition aussi de ce festival ? Oui, c'est la première édition du festival. On fait ça en partenariat avec la mairie d'Écourt et le conseil municipal des enfants. Donc on a choisi dès la première année de tenter de mettre en place un festival sur deux jours. Parce que l'association À un point près, elle a un an d'existence, celle que vous présidez. Oui, elle a été créée en septembre 2023. Alors vous pouvez revenir peut-être un peu sur l'histoire de cette association, comment elle est née ? On avait une demande plus ou moins sur Écourt. La mairie avait déjà pas mal de jeux, était ok pour créer quelque chose. Moi, avec deux amis, on s'est mis en place pendant l'été, histoire de créer ça à la rentrée. Parce qu'on avait déjà tenté une journée comme ça avec un voyage d'enfants. Et ça s'était très bien passé, on avait eu beaucoup de monde. Donc on s'était dit que c'était le bon moment pour créer ça. L'idée du festival est venue naturellement derrière. L'idée du festival était déjà en fait plus ou moins dans les tuyaux, même avant la création de l'association. On en avait parlé avec quelqu'un de la mairie. On était sur la même longueur d'onde pour essayer de mettre ça en place assez rapidement. Voilà, les Jeux de Lambani, donc c'est la première édition. On le rappelle, ça commence le samedi 14 septembre à 14h et le dimanche aussi 15 septembre toute la journée entre 10h et 18h avec plein de choses. Alors peut-être vous nous expliquez un peu quel type de jeu on va pouvoir découvrir lors de ce festival. Comment ça va être organisé tout ça ? L'entrée est libre et gratuite. Vous avez sur place de nombreuses tables de jeux avec tous les jeux que les éditeurs partenaires ont bien voulu nous mettre en avant. Vous aurez des tournois pendant tout le week-end qui seront sur inscription. Vous aurez également une soirée le samedi soir sur inscription où ce sera des jeux d'ambiance, des quiz, des choses de ce genre. Il y aura aussi une animation en extérieur qui s'appelle le combat des chefs. C'est organisé par une association de jeux de rôle. Le but, c'est en fait, vous venez sur place et nous, on s'occupe de vous expliquer les jeux et de trouver à quoi c'est le plus intéressant de jouer pour vous. Alors, vous avez parlé de tournois, ce sera sur quel type de jeu ? Il y a 6 tournois organisés sur le week-end. Il y a des jeux enfants de la gamme ABBA, Rhino Hero par exemple. Vous avez Splendor, Las Vegas, Little Tavern, c'est des jeux qui sont pas forcément ultra connus, mais c'est des jeux assez faciles d'accès, où il n'y a pas besoin de connaître les règles, on vous les explique avant le début du tournoi. Et vous avez parlé aussi de soirées spéciales. Oui, le samedi soir, on fait un grand quiz, on va dire, où il y aura de la musique, un petit blind test, où il y aura des questions et tout ça autour de jeux d'ambiance, en fait. Ils sont toujours assez compliqués à mettre en place dans un festival, donc nous on les met en place dans la soirée. Justement, en les adaptant un petit peu. Pour participer au tournoi, il est nécessaire de s'inscrire. Comment faut faire aujourd'hui pour s'inscrire ? Alors, pour vous inscrire, il faut envoyer un mail à l'association. Donc, l'adresse, c'est a1.apres2023@gmail.com. Vous allez sur le Facebook de l'association. Vous trouverez tous les renseignements. Il y a une page sur les Jeux de Lambani. Tous les renseignements sont là, avec les horaires et le descriptif des tournois. Vous avez cité quelques types de jeux. C'est vraiment pour tout public ? C'est vraiment pour tout public. On a des jeux qui vont des enfants à partir de 3 ans, jusqu'aux gens qui veulent vraiment un jeu de stratégie où ils vont se poser pendant un petit paquet de temps autour d'une table. Et faut pas avoir peur de venir, de poser des questions, parce qu'il y a des jeux certainement qu'on ne connaît pas, mais vous allez être là, présent, pour nous expliquer les règles. Exactement. Nous, en fait, quand les gens vont venir, on va les accueillir, on va voir quel type de joueurs ils sont, si c'est des gens qui jouent régulièrement chez eux ou si c'est des gens qui viennent vraiment découvrir, et on va trouver les jeux les plus adaptés pour leur faire passer un bon moment. Alors quand on est président d'une association de jeux de société, on a certainement des préférences. Vous, vous êtes quel type de joueur ? Alors moi, je suis plutôt un gros joueur. J'ai énormément de jeux chez moi. Je joue énormément avec mes enfants. Donc comme j'ai des enfants qui vont de 5 à 15 ans, je peux très bien faire un gros jeu de stratégie, comme je peux faire aussi des petits jeux légers avec le plus petit. Et vous avez un coup de cœur quand même ? Ouais, on a tous nos jeux préférés. Moi, j'ai un jeu qui s'appelle Isle of Sky, qui est un jeu de pose de tuiles et d'enchères que j'aime énormément. Donc, des jeux, on va en découvrir beaucoup. En plus, vous avez des partenaires qui viennent aussi vous aider pour cette première édition. Ça aussi, c'est une reconnaissance déjà pour une première édition ? Oui, parce qu'on a contacté les éditeurs. Il y en a énormément qui ont répondu présent. On aura également une boutique avec la Caverne du Gobelin qui sera présente sur place pour faire de la vente de jeux. Donc, pour une première édition, c'est très positif. Eh bien, rendez-vous les 14 et 15 septembre, c'est à Écourt, à la Maison du Temps Libre, au 11 rue Gustave Lemaire. L'entrée est libre, on le répète, il y a une possibilité de restauration sur place aussi, j'ai vu ? Oui, il y aura des crêpes, des croque-monsieur et des boissons qui seront disponibles pendant tout le week-end. Voilà, de quoi bien s'amuser en tout cas. Merci beaucoup, Sylvain Neveu. Si on veut avoir des infos un peu plus sur l'association À un point près, sur vos prochaines actualités, comment on fait ? Alors, soit vous allez sur le Facebook de l'association, soit ce week-end, le samedi 7 septembre, il y a le forum des associations à Écourt et on aura un stand, on sera présent. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Ben, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.